passé mon temps à faire comme si j'étais loin devant, croyant m'échapper à travers ma passion. Et la réalité reste la même. Et même si tu passais ton temps à faire comme si t'étais plus comme avant, je serais pas convaincue, je m'avouerais pas vaincue. Car le temps d'une nuit, on s'est donné nos vies. Je meurs, je vis pour t'aimer à contre-vent. Je pleure, je ris, je n'explique pas, je le ressens. Je meurs, je vis, tu es mon parfait tourment. Je pleure, je ris, je n'explique pas, je le comprends. Le tonnerre gronde sur un fond musical. Si loin de toi, c'est peut-être pas plus mal. De loin, je préfère la pluie à tes larmes. C'est égoïste, mais j'en ressens pas moins. Ce regard que je suis la seule à connaître, en dit-on mais pas trop. Et ce crime que je suis la seule à commettre, et je te reviendrai bientôt. Je meurs, je vis pour t'aimer à contre-vent. Je pleure, je ris, je l'explique pas, je le ressens. Je meurs, je vis, tu es mon parfait tourment. Je pleure, je ris, je l'explique pas, je le comprends. Je te connaissais par cœur avant de t'avoir abordé. Je te connais par corps, tes courbes et tes grains de beauté. Le soleil était d'or de beauté. Je meurs, je vis, oh yeah, pour t'aimer à contre-vent. Je pleure, je ris, je l'explique pas, je le ressens. Je meurs, je vis, tu es mon parfait tourment. Je pleure, je ris, je l'explique pas, je le comprends.